t'entends pas ou quoi? Eh, Posca, t'attends quoi? Roulez! Qui vient le scandale sur ta face, essuie ma sandale. Le métier rentre sa voix. Avec mes frères, on prend de l'ampleur. Et si ça te parle à fond, fous ta radio et dis aux gosses fous qu'il faut foncer pour ses idéaux. Faire bouger la tête aux frères, on aime ça. Parce qu'il faut s'en sortir, se réveiller, ça c'est des matins. Je te livre un truc qui te fait des vents, hey. Sorti fraîchement de tes enceintes. C'est bon, hein. Tout le monde les met en l'air ce soir. Silas des as qui se place, pose des mains tenaces. Fuck les futurs jaloux, j'suis là pour mes futurs fans. Moi j'suis le genre de mec qui pète les plombs. Merde, une victime dans mon coin. Merde, une autre victime dans mon coin. N'est-ce pas? On est là, non? Alors parle bien, sinon tu vas pleurer, quoi.